Les membres du groupe de félicitations de l'Association générale des Coréens résidant au Japon pour le 68e anniversaire de la Fondation de la République populaire démocratique de Corée ont adressé le 20 septembre une lettre au maréchal Kim Jong-un. Voici le résumé. Le 68e anniversaire de la fondation de notre République était une occasion historique qui a manifesté dans le monde la puissance de la cohésion de la patrie, où tous les militaires et civils se sont étroitement unis autour du maréchal Kim Jong-un, ainsi que le potentiel de la Corée Sungun, puissance nucléaire de l'Orient et puissance militaire dans le monde. Le maréchal a fait briller à l'apogée la fête nationale de la grande puissance Paektusan par le tonnerre nucléaire en septembre et inauguré une nouvelle légende de l'amour envers le peuple pour inviter tous les militaires et civils à faire preuve au maximum de l'ardeur patriotique. Grâce au maréchal Kim Jong-un, grand homme sans égal, on obtiendra à coup sûr la victoire miraculeuse dans le changement du mal en bien au nord de la patrie et la grande puissance Paektusan sera prospère à jamais comme pays du grand soleil et paradis du peuple le plus béni. Finalement, la lettre a noté qu'ils contribueront particulièrement à l'édification d'une grande puissance réunifiée Paektusan pour créer l'exemple de la fidélité patriotique et faire valoir l'honneur du modèle du mouvement des compatriotes coréens d'outre-mer dans le monde à la grande époque Kim Jong-un.